à la pluie de décembre, aux orages d'été. À ton regard, à ta musique, chez la vie m'appelle. À ton rire, je colle mon rire, comme un gosse fasciné. Je me suis appelé à la fenêtre de ta vie. Il pleut dehors, il pleut dedans, il pleut hier, il pleut demain. Tu ne m'as rien dit, ne m'as rien promis, n'as rien demandé, je t'ai tiré à moi, doucement par la mer. Nous nous sommes chauffés à la seule lumière de notre soleil intérieur. Que la pluie indiffère. Il pleut dehors, il pleut dedans, il pleut hier, il pleut demain. Et ne pas raisonner ensemble sur les pavés d'une ville borgne, entre les maisons grises, par les rues épicées. Je me savais de toi que la chaleur de tes bras. Le feu de ton regard et l'âme de ta voix, pourtant veille tes veilles. Le feu de ton regard et l'âme de ta voix, pourtant veille tes veilles. Il pleut dehors, il pleut dedans, il pleut hier, il pleut demain.